Chapitre 12. Le cadavre ambulant reparaît encore. Où et comment retrouver le comte de Riva, dont la personnalité est si changeante, me dit Lautrec. Moi seul ai vu ce mystérieux personnage sous une forme que je crois être la vraie. Et, au fait, est-il bien comte et s'appelle-t-il bien Riva? J'ai pris des renseignements. Il existe un jeune homme de ce nom, portant le prénom de César et âgé actuellement de 32 ans. Mais est-ce le véritable comte que j'ai vu? Les ports sont surveillés, la police le cherche partout à Paris. Avez-vous un signalement, un portrait? Je n'ai pas trouvé de portrait. Quant au signalement, je l'ai donné d'après l'aspect de l'homme que j'ai vu. Mais, je le répète, cet aspect est-il réel? Cependant, j'ai mieux. J'ai pu relever dans l'hôtel de l'avenue Victor Hugo des empreintes digitales du comte. Sont-elles semblables à celles du cadavre, par hasard? Non, ce serait impossible d'ailleurs, mais ce sont ces empreintes qui me permettront de reconnaître l'homme que je cherche. 3 jours s'étaient écoulés lorsqu'un événement tout à fait inattendu se produisit qui jeta la consternation parmi nous. On venait de retirer de nouveau de la scène un cadavre en lequel on reconnut pour la seconde fois l'antidérapant. Ce fut un étonnement général. Quoi ? Le fameux cadavre disparu était retrouvé ? Après son incompréhensible fugue, voici qu'il s'était noyé à nouveau. Nous supposâmes d'abord que Pascal Aubran, le sosie du faux cul de Jatte, s'était noyé. Nous apprîmes par Bellet, qui s'était rendu à Suresnes, qu'il n'en était rien. Serait-ce un troisième sosie ? Demandai-je à Lautrec. Celui-ci secoua la tête. Non, dit-il. Toute la journée, le détective parut plongé dans ses réflexions. Il était allé voir le nouveau cadavre et l'avait examiné minutieusement. Je l'accompagnai et il m'avait bien fallu reconnaître que le cadavre était le même que celui que nous avions vu une première fois. Cependant, comme nous revenions, Lautrec et moi, il me sembla à différentes reprises voir passer un sourire de triomphe sur les lèvres de mon ami. L'ayant questionné à ce sujet, il se borna à me répondre brièvement « Demain, je vous donnerai la clé du mystère. »« Demain ?»« Oui, car c'est demain que j'arrêterai le comte de Riva. » Je voulus en savoir plus long, mais Lautrec s'enferma à nouveau dans son mutisme. Le lendemain matin, j'étais au rendez-vous que m'avait fixé Lautrec. Celui-ci était accompagné de 3 inspecteurs de la police judiciaire. Nous partîmes. Mon ami était muet comme une carpe. Il ne nous avait pas dit où nous allions. 1 heure après, nous arrivions à Suresnes, devant la villa occupée par M. Aubran. Bellet et 2 autres policiers nous attendaient en se promenant dans la rue. Ils étaient armés de bêches et de pioches. « Rien ? » demanda laconiquement Lautrec. « Rien ! » répondit Bellet. Lautrec sonna. La femme de chambre vint nous ouvrir. « Monsieur Aubran, est-il ici ?» demanda le détective. « Oui, monsieur. Dites-lui que Monsieur Lautrec désire le voir. » Un instant après, Monsieur Aubran venait à nous, les mains tendues. Il nous dit qu'il regrettait que sa femme ne fût point là pour nous recevoir. Elle avait reçu un télégramme lui apprenant qu'un de ses oncles venait de mourir. Puis il nous questionna sur le but de notre visite et se montra étonné de nous voir si nombreux. « Nous avons un grand travail à accomplir, » répondit Lautrec, « et à ce sujet, je me permettrai de vous demander votre concours. Il vous est tout acquis. Voici en un mot de quoi il s'agit. À votre insu, un cadavre a dû être caché dans votre jardin ou dans votre maison. Mais c'est impossible. Cela est... dit brusquement mon ami. Et il donna des ordres aux hommes qui l'accompagnaient. Ceux-ci se mirent en devoir d'inspecter le jardin. Monsieur Aubran nous accompagnait et sa surprise semblait avoir atteint son paroxysme. On ne découvrit rien au jardin. L'heure passait. Les recherches commencèrent dans la maison. Lautrec nous conduisit dans les caves. Il examina soigneusement les dalles. Arrivé dans la cave au charbon, il poussa un cri de joie. Il avait trouvé. « Le cadavre est ici, dit-il. M. Aubran avait blêmi. 20 minutes après, un cercueil de bois ordinaire était mis à jour. Une forte odeur s'en dégageait. On le transporta dans le jardin. « Ouvrez le cercueil !» ordonna le détective. À ce moment, M. Aubran se déclara indisposé. Il voulut se retirer. « Non, dit impérieusement Lautrec, votre présence est indispensable ici. » On ouvrit le cercueil. Un cadavre décomposé apparut. « Vous le reconnaissez ?» me demanda Lautrec. « Non. C'est le véritable cadavre de l'antidérapant. » En effet, malgré les effets de la putréfaction, je devinais, je reconnaissais les traits du mystérieux noyé. « Voyez, fit remarquer le détective, la main droite du cadavre a été coupée. » Nous nous regardâmes surpris. Ceci éclaircit encore un mystère. Souvenez-vous des attentats dont furent victimes les deux rentiers. Nous relevâmes sur les lieux du crime les empreintes digitales du cadavre de la morgue. L'assassin est un être cynique qui a voulu se rire de nous en détournant nos recherches. À prix d'or, et grâce à une complicité que j'ai mise à jour, il est parvenu à enlever le noyé. Il lui a coupé la main comme vous le voyez, et après l'avoir fait embaumer sans doute, il s'en est servi pour laisser ses empreintes digitales qui nous ont si prodigieusement surpris. Nous regardâmes Lautrec avec admiration, le triomphe du détective commençait. « Mais, objectai-je, et l'autre cadavre, le second cadavre qui repose à la morgue ?» Lautrec sourit. « Un homme ne peut vraisemblablement avoir qu'un corps, dit-il persifleur. L'autre cadavre ne peut donc être, logiquement, que celui de M. Aubran. » Notre surprise, cette fois, atteignit à son comble. Nous nous tournâmes tous vers notre hôte, qui sursauta en s'écriant « Et moi, qui suis-je alors ?» Lautrec, qui avait faim de ne pas remarquer sa présence, se tourna vers lui. « C'est vrai, dit-il calmement, j'oubliais de vous parler de la présence, ici, de M. le comte César de Riva. »« Quelle plaisanterie !» s'écria notre hôte en éclatant de rire. « Mais, cher monsieur, lui lança ironiquement Lautrec, il y avait, vous le savez, trois hommes qui se ressemblaient, le borgne, Aubran et César de Riva. » Les deux premiers sont morts, nous en avons la certitude. Il ne vous reste donc plus qu'à être le troisième. » Notre hôte ne riait plus. Une flamme de rage avait passé dans ses yeux. « Monsieur, dit-il hautain, je ne tolérerai pas chez moi qu'on se moque de moi. »« Ta ta ta, fit Lautrec, vous tolérez tout, monsieur le comte, et vous me permettrez même de caresser cette belle barbe noire qui, cette fois, ne résistera pas à la douceur de mon attouchement. » Le détective étendit la main, son interlocuteur recula d'un pas. Trop tard, Lautrec avait tiré, d'un coup sec, et brandissait comme un trophée une superbe toison postiche. Ce fut un coup de théâtre magnifique. Le triomphe du détective était complet. Le comte de Riva s'était croisé les bras et attendait hautain. « Voyons, monsieur le comte, dit Lautrec, soyez beau joueur. Vous avez perdu. Tendez vos mains à ces braves gens venus tout spécialement pour vous arrêter. » Puis, se tournant vers les inspecteurs, « Arrêtez-le, mes amis, monsieur le comte vous le permet. » Une heure après, César de Riva était écroué. L'instruction éclaira les quelques points restés obscurs dans cette fantastique affaire et nous révéla le véritable secret de l'antidérapant. Le prétendu comte de Riva s'appelait en réalité Jacques Montaigne. Il avait été condamné aux travaux forcés et envoyé à la Guyane. Il s'était évadé avec un de ses compagnons, nommé Gustave Brenon, et tous deux étaient rentrés en France. Mais il fallait se créer une nouvelle personnalité, porter un nouveau nom. Qu'à cela ne tienne, Jacques Montaigne connaissait quelqu'un qui ne lui ressemblait pas trop mal. C'était le dernier descendant d'une vieille famille, le comte César de Riva. Devenir comte ne lui déplaisait pas. Il tua César de Riva, l'enterra au fond d'un bois et prit son nom et ses titres. L'autre forçat, Gustave Brenon, avait des goûts plus modestes et puis la fatalité voulut qu'il n'assassinât qu'un cul-de-jatte, véritable celui-là, nommé Charles le Borgne. Les deux hommes firent leur chemin. Quelques années plus tard, le faux comte de Rivat épousait la baronne Élisabeth d'Autrive, descendante d'une vieille famille presque ruinée. Dans cette voie, Gustave Brenon eut des appétits plus grands que son compagnon. Il épousa 7 femmes, usant et abusant des noms d'anciens condisciples qu'il avait connus au lycée Charlemagne. « La fortune sourit aux audacieux », dit le proverbe. Le nouveau comte de Rivat et le faux Charles le Borgne se voyaient en secret. Ce dernier avait trouvé le moyen d'augmenter ses revenus par le produit du travail de ses femmes. Quant au comte, il avait ouvert chez lui une sorte de tripot mondain, une salle de jeu clandestine. Il s'était lié, grâce aux relations de sa femme, avec des personnages huppés. Il les invitait chez lui en petit comité et l'on jouait gros jeu. Lorsqu'il avait perdu, il retenait l'homme que la chance avait le plus favorisé. Tantôt, il endormait au moyen d'un narcotique et le dévalisait, tantôt, il égorgeait purement et simplement. Les cadavres étaient discrètement enterrés, la nuit, dans le jardin de l'hôtel. Mais parfois, les survivants s'étonnaient de la disparition de leurs compagnons. Lorsqu'ils devenaient dangereux, le comte allait les égouiller à domicile. Tel fut le cas des deux rentiers dont j'ai relaté la fin tragique. Car le faux comte de Rivat se savait menacé. Il suffisait d'une plainte pour le perdre. D'accord avec son ancien compagnon Brenon, il s'était ménagé des portes de sortie. Il avait imité son ami et, à 16 heures, il devenait aussi le faux cul de Jatte que nous avons vu fuir devant Lautrec. Sous le déguisement de Le Borgne, Croupion, De Tal et compagnie, il avait accès dans 5 ménages, il avait son chez-lui assuré, où il pouvait tranquillement dormir sur les deux oreilles. Le sort de sa femme lui importait peu. Il avait d'ailleurs peu à peu entraîné sa compagne dans le gouffre où il s'était engagé. Son beau-frère, le baron Jérôme d'Autrive, était, contrairement à ce qu'on pensait, à peu près ruiné. Le faux de Rivat subvenait à ses besoins et il avait ainsi trouvé en lui, sinon un complice, du moins un auxiliaire passif. Les deux anciens forçats s'entraidaient en toutes circonstances. L'instruction ne put entrer dans tous les détails de cette ténébreuse affaire, mais tout faisait supposer que, sous le déguisement du cul de Jatte, alias le Borgne, le comte volait et même, en certaines circonstances, ne reculait pas devant un crime nouveau. C'est ainsi qu'un beau jour, le faux de Rivat apprit fort inopinément par Madame Sella que son compagnon était mort et que son cadavre se trouvait à l'Institut médico-légal. Il se sauva d'abord, il réfléchit ensuite. Des portes de sortie se fermaient, il fallait les rouvrir. Audacieusement et grâce à une complicité, il enleva de la morgue le cadavre de Brenon. Il apprit ensuite que l'identité du noyé était presque établie. Dans sa rage, il résolut de braver la police. Il se servit, comme l'expliqua Lautrec, de la main coupée de son compagnon pour détourner les soupçons. Les événements se précipitèrent. Le détective s'étant introduit chez lui, il supposa que la police avait tout découvert. Sans perdre de temps, il congédia ses domestiques et s'enfuit avec sa femme et son beau-frère, n'emportant que le compromettant cadavre à la main coupée. Se sachant traqué, il surveilla adroitement Lautrec. Il connut l'existence du sosie de Brenon. Une idée aussi lumineuse qu'audacieuse germa dans son esprit. Il ne pouvait mieux se cacher que sous la personnalité d'Aubran, dont l'authenticité avait été reconnue par la police. Il observa dans l'ombre le malheureux négociant. Il apprit à imiter le son de sa voix. Puis, une nuit, après avoir éloigné Madame Aubran, qu'il comptait dans la suite tromper ou terroriser, il assomma le sosie providentiel. Il n'eut que le temps de le jeter dans la Seine après lui avoir attaché une lourde pierre au pied. Il n'avait pas prévu que le courant délivrerait le noyé. Quelques jours après, le cadavre était découvert. Il fallait, dès lors, cacher l'autre cadavre compromettant qu'il n'avait pas enterré dans son jardin de l'avenue Victor Hugo et qu'il n'osait plus confier à la pudique Seine. Une nuit, il alla le chercher en auto et, aidé par son beau-frère, il l'enterra où il supposait que personne ne pourrait le découvrir, dans la cave du sosie même. Mais Lautrec avait examiné le nouveau cadavre dont l'état de conservation était vraiment trop suspect. Il avait relevé les empreintes digitales qui lui avaient permis d'établir l'identité du mort. Il en déduisit que seul le comte de Riva pouvait être le faux Aubran et il supposa tout de suite que le cadavre de l'antidérapant qu'on avait vainement cherché avenue Victor Hugo devait être caché à Suresnes. Quelque temps après, on découvrait dans un hôtel la retraite de la comtesse de Riva et du baron d'Autrive, dont les dépositions furent des plus précieuses. Quant à Madame Aubran, elle ne pleura pas trop son mari, dont la mort, déclara-t-elle philosophiquement, était écrite. Comme je reparlais de cette étrange affaire à Lautrec, celui-ci haussa les épaules. « C'était au fond très simple, dit-il, puisque c'était dans un pouce qu'était enfermé le secret du cadavre assassin. » Fin de « Le cadavre qui tue » ou « Le cocu à roulette ».